Activité 6. Phonétique. 1. Vous avez des chambres doubles ? 2. Est-ce que vous acceptez les animaux ? 3. C'est possible de faire la cuisine ? 4. Il y a une douche dans la chambre ? 5. Est-ce que les chambres sont mixtes ? 6. Est-ce que la suite présidentielle est libre ? 7. Vous restez le week-end ? 8. Vous avez de la place ? 9. Est-ce que le petit déjeuner est inclus ? 10. Vous avez la carte d'adhérent ?